Les Tours de Barchester d'Anthony Trollope, tome 2, chapitre 1er. Mrs. Bold à Plumstead. On se rappellera que M. Slope, en laissant son billet doux chez Mrs. Bold, avait été informé qu'il serait porté à Plumstead cet après-midi même. L'archidiacre et M. Harding étaient en effet venus à la ville en voiture et étaient convenus de prendre en retour tout ce qui serait à remettre à Eleanor. Ils passèrent donc chez elle, et sa femme de chambre, après avoir donné au cocher un petit panier et un gros paquet soigneusement enveloppé, tendit par la portière la lettre de M. Slope. L'archidiacre la prit et reconnut immédiatement l'écriture de son ennemi. « Qui a laissé cela ? » dit-il. « M. Slope est venu lui-même, votre révérence. Il a insisté pour que madame eût cette lettre aujourd'hui. » La voiture partit, et l'archidiacre conserva la lettre à la main. Il la regardait du même air que s'il eût tenu un panier de vipères. Sans savoir ce qu'elle contenait, il en avait la même opinion que si, lecture faite, il y avait trouvé un écrit licencieux et athée. Aussi fit-il ce que tant de gens, même des plus sages, font en pareille circonstance. Il condamna sur le champ la personne à laquelle la lettre était adressée comme étant nécessairement particeps criminis. Le pauvre M. Harding, quoique peu disposé à approuver l'intimité de M. Slope avec sa fille, aurait donné beaucoup pour que la lettre fût dans ses mains. Mais non, elle était dans celle de l'archidiacre, qui la considérait avec un profond dégoût, convaincu qu'elle contenait les litanies ordinaires d'un amoureux favorisé. « Il m'est bien pénible, dit-il, que de semblables choses se passent sous mon toit. » Certes, l'archidiacre n'était pas raisonnable. Il avait invité sa belle-sœur à venir chez lui. Il était naturel qu'elle reçût ses lettres chez lui. Si M. Slope avait l'idée de lui écrire, sa lettre devait naturellement la suivre à Plumstead. De plus, le fait même d'inviter une personne chez soi implique que l'on a confiance en elle. Le docteur Grantly avait fait à Mrs. Bold l'honneur de la croire digne de son hospitalité, et c'était être injuste et cruel envers elle que de lui reprocher une sorte de violation de son foyer alors qu'elle était absolument étrangère à l'acte incriminé. M. Harding le sentait bien. Il sentait aussi que l'archidiacre, quand il parlait ainsi de son toit et de son foyer, manquait d'égard envers lui-même, le père d'Eleanor. Qu'Eleanor reçut une lettre de M. Slope, était-ce là une souillure pour la maison du docteur Grantly? M. Harding était indigné de voir sa fille jugée et traitée ainsi. Il décida que dût-elle devenir Mrs. Slope, elle serait toujours l'enfant de sa prédilection. Il faillit éclater et dire ce qu'il avait sur le cœur. Il put cependant se contenir sur le moment. « Tenez, » dit l'archidiacre, tendant à son beau-père la malencontreuse épître, « je ne veux pas être le porteur d'une lettre d'amour. Vous êtes son père. À vous de voir ce que vous avez à faire. » L'archidiacre, en parlant ainsi, voulait dire que M. Harding avait le droit d'ouvrir la lettre, de la lire et d'agir en conséquence. À dire vrai, le docteur Grantly désirait en connaître le contenu, moins par souci de la morale outragée que par curiosité. Naturellement, il ne pouvait l'ouvrir lui-même, mais il voulait faire comprendre à M. Harding que son titre de père l'autorisait à le faire. Mais M. Harding n'eut même pas la pensée d'une si monstrueuse indiscrétion. Son autorité sur Eleanor avait pris fin quand elle avait épousé John Bold. Il n'avait pas la moindre envie de surveiller sa correspondance. Il mit la lettre dans sa poche, avec le regret de n'avoir pu le faire à l'insu de l'archidiacre. Après un long silence, « Peut-être, dit l'archidiacre, vaudrait-il mieux que Susan la lui remît. Elle lui expliquera mieux que nous ne saurions le faire combien peu honorables sont de semblables relations. « Je vous trouve dur pour Eleanor, répondit M. Harding. Je n'admets pas qu'elle ait rien fait de déshonorant, et qu'elle soit capable de rien faire de tel. Elle a le droit de correspondre avec qui lui plaît, et je ne me permettrai pas de la blâmer parce qu'elle a reçu une lettre de M. Slope. « Je suppose, dit le docteur Grantly, que vous ne désirez pas qu'elle l'épouse. Je suppose que vous trouveriez un semblable mariage déshonorant. Je ne désire pas qu'elle l'épouse, répondit le père avec embarras. Le personnage ne me plaît pas, et je ne crois pas qu'il ferait un bon mari. Mais si Eleanor veut l'épouser, je ne crois assurément pas qu'elle commette ainsi un acte déshonorant. « Dieu du ciel !» s'écria le docteur Grantly en se rejetant dans son coin. Monsieur Harding ne parla plus jusqu'à l'arrivée à la cure. L'archidiacre avait fait de pénibles réflexions. Il avait jusque-là considéré son beau-père comme un allié fidèle, bien qu'il ne lui trouvât pas le caractère assez belliqueux. Il n'avait jamais craint que Monsieur Harding passât à l'ennemi, tout en comptant peu sur ses promesses quand viendrait le jour de la lutte. Il lui semblait maintenant qu'Eleanor, par ses manœuvres artificieuses, avait fait perdre à son père le jugement, la notion du bien et du mal, les préférences et les goûts de sa vie passée, et l'avait amené à supporter un homme dont l'arrogance et la vulgarité lui auraient été quelques années auparavant absolument intolérables. Que ce fût le résultat d'une tactique combinée entre Eleanor et M. Slope, il n'en pouvait douter un moment. Que M. Harding le sût lui-même, il n'en doutait pas davantage. Il était trop évident que son beau-père soupçonnait tout ce qui se passait et était disposé à le sanctionner. Et à dire vrai, l'archidiacre ne se trompait pas tout à fait. M. Harding éprouvait pour M. Slope autant d'éloignement qu'il l'était dans sa nature d'en éprouver pour un être humain. Sa fille eût-elle cherché à lui être aussi désagréable que possible par un second mariage, elle n'aurait pu y réussir mieux qu'en épousant M. Slope. Mais, ainsi qu'il se le répétait souvent lui-même, quel droit avait-il de la condamner si sa conduite n'était pas coupable en soi? Si M. Slope lui plaisait, c'était son affaire. C'était merveille qu'une femme si distinguée d'esprit et de goût pût aimer un tel homme. Aussi se demandait-il s'il était possible qu'elle l'aimât. Non, M. Harding ne croyait pas que sa fille voulût épouser cet homme, mais il ne pouvait affirmer qu'il n'en fût rien. Il n'avait pas abandonné tout espoir. D'abord, l'archidiacre pouvait se tromper dans ses conclusions, mais cette espérance était bien faible dans son cœur. Ensuite, il y aurait peut-être moyen d'empêcher le mariage, si malheureusement, Eleanor en avait accepté l'idée. Enfin, s'il avait fait la folie de passer outre, il se disait qu'après tout il saurait justifier sa conduite et déclarer qu'aucune raison n'existait pour qu'il se séparât de sa fille. Il voulait la croire incapable d'un semblable mariage et montrer qu'il la croyait telle. Mais il voulait aussi pouvoir dire ensuite qu'en somme elle n'avait rien fait de mal, si par malheur elle tenait une conduite autre que celle qu'il attendait d'elle. Le docteur Grantly n'avait pas de ces faiblesses de cœur, bien qu'il ne fût pas, à beaucoup près, incapable d'affection. Il aimait d'un amour sincère sa femme, ses enfants et ses amis. Il aimait son beau-père et était tout disposé à aimer Eleanor, si elle voulait faire cause commune avec lui, regarder les Slope et les Proudie comme ennemis de l'humanité et reconnaître pleinement le mérite des Gwynne et des Arabines. Il voulait pouvoir compter absolument sur ceux qu'il admettait dans le sanctuaire de sa maison et de son cœur. Il rendait affection pour affection, appui pour appui, fidélité pour fidélité. Mais il ne connaissait rien à cette tendresse féminine qui était particulière à M. Harding, ni à cet amour désintéressé qui demeure fidèle malgré l'indignité de l'objet aimé. Il était déjà tard quand le beau-père et le gendre, agités tous deux de pensées pénibles, arrivèrent à Plumstead. Les dames étaient déjà montées pour s'habiller. En allant à sa chambre, M. Harding frappa à la porte d'Eleanor et lui donna la lettre. L'archidiacre poussa droit à ses appartements pour décharger son cœur dans celui de sa fidèle compagne. Nous ne rapporterons pas l'entretien qui eut lieu dans la chambre et dans le petit salon voisin. Le lecteur qui connaît déjà le caractère des deux personnes peut se l'imaginer. On n'eût pu d'ailleurs en lire la teneur sur le front de Mrs. Grantly quand elle descendit pour le dîner. Eleanor, en recevant la lettre, ne se doutait pas de qui elle pouvait venir. Elle n'avait jamais vu l'écriture de M. Slope, ou si elle l'avait vue, elle l'avait oubliée. Elle tournait et retournait la lettre, comme on le fait quand on ne reconnaît pas sur le champ la provenance, soit à l'écriture, soit au cachet. Elle était assise devant la glace, brossant sa chevelure, et se levant à chaque instant pour jouer avec son bébé, qui se traînait sur le lit et absorbait l'attention tout à la fois de sa bonne et de sa mère. Enfin, assise devant sa toilette, elle brisa le cachet et, tournant la feuille, vit le nom de M. Slope. Surprise d'abord, elle éprouva ensuite de l'ennui, puis une certaine inquiétude. mais la lecture lui sembla bientôt intéressante. Elle était si heureuse de voir tomber tout ce qui faisait obstacle au retour de son père à l'hospice qu'elle ne sentit pas l'inconvenance des termes dans lesquels ces nouvelles lui étaient données. Elle ne vit qu'une chose, qu'on la chargeait de les transmettre à son père, et elle ne s'arrêta pas à la pensée que cette communication n'aurait pas dû lui être faite à elle, par un jeune prêtre non marié. En somme, elle était reconnaissante à M. Slope et impatiente d'avoir achevé de s'habiller pour pouvoir porter à son père de bonnes nouvelles. Puis elle arriva à l'allusion faite à ses pieux travaux, et elle traita en elle-même M. Slope de cuistre. Continuant sa lecture, elle fut choquée de voir son enfant appeler le chéri de M. Slope. Enfin, elle arriva aux tresses et eut un mouvement de dégoût. Elle se regarda dans la glace et les vit en effet devant elle, longue et soyeuse assurément. Je ne dirai pas qu'elle méconnut leur mérite, mais elle éprouva contre elle une certaine irritation et les punit, par un rude coup de brosse, d'avoir été admirée par M. Slope. Elle chiffonna la lettre avec colère et résolut de ne pas la montrer à son père. Elle se bornerait à lui en faire connaître le contenu. Elle recouvra sa tranquillité d'esprit en jouant avec Johnny, acheva sa toilette et descendit pour le dîner. Dans l'escalier, elle commença à sentir que sa situation était quelque peu embarrassante. Elle ne pouvait cacher à son père les nouvelles relatives à l'hospice, et elle n'avait pas le courage d'avouer devant les Grantley qu'elle eût reçu une lettre de M. Slope. Son père était déjà descendu. Elle avait entendu son pas. Elle résolut de le prendre à part et de le mettre au courant. Pauvre femme, elle ne se doutait pas que sa lettre eût déjà fait l'objet d'une discussion dans laquelle elle était cruellement traitée. Quand elle entra dans le salon, toute la compagnie avait un air morose et renfrogné. Les deux jeunes filles étaient assises, muettes dans un coin, et semblaient comprendre qu'un orage se préparait. M. Harbin lui-même était solennel et silencieux. Eleanor ne l'avait pas vu depuis le déjeuner. Il avait passé toute la journée à Saint-Évold, et il était naturel qu'il parlât de ce qui s'y était passé. Il n'en fit rien pourtant, et demeura solennel et silencieux. Tous étaient solennels et silencieux. Eleanor sentait qu'ils avaient parlé d'elle. Il sentait son cœur l'abandonner en pensant à M. Slope et à sa lettre. En tout cas, elle vit qu'il lui était impossible d'entretenir son père seul tant que la situation serait aussi embarrassée. Bientôt le dîner fut annoncé et le docteur Grantley, selon son habitude, offrit le bras à Eleanor. Mais il laissa voir qu'il faisait ainsi violence à ses sentiments pour accomplir un devoir rigoureusement obligatoire. Eleanor le sentit bien et posa à peine ses doigts sur la manche de son beau-frère. On peut se faire une idée de ce que fut le dîner, étant donné ses dispositions des convives. Le docteur Grantley dit quelques mots à M. Harbin. M. Harbin dit quelques mots à Mrs. Grantley, laquelle dit quelques mots à son père, et celui-ci essaya de dire quelques mots à Eleanor. Eleanor sentait bien qu'elle avait été mise sur la sellette et jugée coupable de quelque chose, mais elle ne savait pas de quoi. Elle avait envie de leur crier à tous. « Eh bien, qu'ai-je donc fait? Dites-le. Faites-moi connaître mon crime, pour l'amour de Dieu, que je sache tout. » Mais elle ne put s'y décider. Les paroles ne pouvaient sortir de sa bouche. Elle garda le silence, ayant confusément conscience d'une certaine culpabilité et essayant, mais en vain, de manger son dîner. Enfin, on enleva la nappe et les dames ne furent pas longues à se retirer. Après leur départ, les hommes devinrent un peu plus communicatifs, mais sans le moindre entrain. Ils ne pouvaient naturellement parler des torts d'Eleanor. Pourtant, l'archidiacre avait déjà trahi sa belle-sœur et, dans son cabinet, avait, avec gravité et tristesse, murmuré ses craintes à l'oreille de M. Harbin. Sa gravité et sa tristesse étaient communiquées à M. Harbin. Celui-ci ouvrit les yeux et la bouche et murmura « M. Slope ?» du même ton qu'il lui dit « le choléra ». Si son ami lui avait dit que cette horrible maladie s'était déclarée parmi les enfants. Nous n'analyserons pas les sentiments de M. Harbin quand il apprit cette étonnante nouvelle. Il suffira de dire qu'il fut surpris, froissé, attristé et mal à l'aise. Il n'avait peut-être pas pensé beaucoup à Eleanor. mais il avait pris plaisir à une familiarité de tous les instants qu'il sentait exercer sur lui une influence bienfaisante. Il avait vanté à l'archidiacre son intelligence et il s'était promené avec elle dans le jardin de la cure, portant l'enfant sur son dos. Quand M. Rabin avait appelé Johnny son chéri, Éléanor n'avait éprouvé aucune irritation. Les trois hommes demeurèrent à table en face de la bouteille. Tous trois avaient les mêmes pensées. Aucun n'osait les exprimer. Aussi vaut-il mieux les laisser pour aller retrouver les deux dames au salon. Mrs. Grantly avait reçu de son mari une mission qu'elle n'avait acceptée qu'à contre-cœur. Il l'avait invitée à tenir à Éléanor un langage sévère et à lui déclarer que si elle persistait à soutenir M. Slope, elle perdrait les bonnes grâces de tous ses amis. Mrs. Grantly avait sans doute du caractère de sa sœur plus d'expérience que l'archidiacre. Elle lui assura que ses remontrances seraient inutiles. Selon elle, la seule chose à faire était de tenir Éléanor hors de Barchester. Peut-être eût-elle pu ajouter, car elle était très clairvoyante dans les choses du cœur, qu'il y aurait beaucoup à gagner en retenant Éléanor dans la société de M. Arabin. Néanmoins, elle n'exprima pas cette idée. L'archidiacre ne voulut rien entendre. Sa conscience, disait-il, lui faisait un devoir d'éclaircir la situation. Si Mrs. Grantly ne voulait pas parler, il le ferait lui-même. Mrs. Grantly dut se résigner, tout en affirmant sa conviction que cette démarche ferait plus de mal que de bien. L'événement le prouva en effet. Aussitôt que l'on fut dans le salon, Mrs. Grantly trouva un prétexte pour envoyer ses filles et commença l'attaque. Elle savait bien qu'elle n'avait sur sa sœur que peu d'autorité. Leur vie différente, l'éloignement de leurs habitations avaient empêché la fréquence et l'intimité de leurs relations. Elles avaient à peine vécu ensemble depuis l'enfance d'Eleanor. En outre, dans les années précédentes, Éléanor avait souffert, sans le dire, de l'autorité dictatoriale que l'archidiacre semblait exercer sur son père, et quant à elle, elle ne se souciait pas de laisser la femme de l'archidiacre prendre sur elle ce genre d'autorité. « Vous avez reçu une lettre avant le dîner, je pense ?» dit la sœur aînée. Éléanor répondit affirmativement et se sentit rougir. Elle l'aurait donné tout au monde pour ne pas changer de couleur, mais ses efforts furent inutiles. N'était-elle pas de M. Slope ? Éléanor dit que la lettre était de M. Slope. « Avez-vous une correspondance régulière, Éléanor ?»« Pas précisément, » répondit-elle, commençant à trouver cet interrogatoire déplaisant. Elle résolut, il serait difficile de dire pourquoi, de ne pas se laisser aller à dire à sa sœur quel était le sujet de la lettre. Sa sœur, elle le sentait bien, agissait à l'instigation de l'archidiacre, et elle ne voulait pas avoir à se défendre d'une accusation portée contre elle par son beau-frère. « Mais, ma chère Éléanor, pourquoi recevez-vous des lettres de M. Slope, sachant combien il est antipathique à papa, à l'archidiacre et à tous nos amis ?»« D'abord, Susan, je ne reçois pas de lettres de lui. Ensuite, cette lettre, la seule que j'ai reçue, et que je n'ai pas pu ne pas recevoir, puisque c'est papa qui me l'a remise, étant de M. Slope, c'est à lui, je crois, et non pas à moi, que vous devriez le demander. Quel était le sujet de cette lettre, Éléanor ? Je ne puis vous le dire. Elle était confidentielle. Elle traitait d'une affaire relative à une tierce personne. Elle ne vous concernait pas personnellement, alors ? « Je ne puis pas dire cela, Susan, » dit-elle, irritée de toutes ces questions. « Eh bien, je dois vous dire qu'il est assez singulier qu'une jeune femme dans votre position reçoive d'un homme non marié une lettre dont elle ne veuille pas dire le contenu et qu'elle rougisse de montrer à sa sœur. « Je ne rougis de rien, » dit Éléanor, prenant feu. « Je n'ai à rougir de rien, mais je n'aime pas être soumise à un interrogatoire à propos de mes lettres. « Eh bien, ma chère, » je ne puis m'empêcher de vous dire que M. Slope n'est pas, selon moi, un correspondant convenable pour vous. Fût-il aussi peu convenable que possible, puis-je l'empêcher de m'avoir écrit ? Vous avez tous contre lui de telles préventions que ce qui serait dans un autre homme de la bonté, de la générosité, est chez lui une odieuse impudence. Je hais une religion qui enseigne la partialité et l'injustice. Je suis fâché, Éléanor, que vous haïssiez la religion que vous avez pratiquée ici. Mais vous devriez vous rappeler qu'en semblable matière, l'archidiacre a plus de compétences que vous. Je ne vous demande pas de respecter mon âge et de déférer à mes avis, mais certainement, dans une affaire comme celle-ci, vous pourriez vous laisser guider par l'archidiacre. Il a le plus vif désir d'être votre ami, si vous y consentez. » En semblable matière, quelle est cette matière ? Dit Éléonore avec humeur. Sur ma parole, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Nous désirons tous que vous n'ayez pas de relation avec M. Slope. Vous voudriez me voir les mêmes préjugés qu'à vous-même, cela ne sera jamais. Je ne vois aucun mal dans des relations avec M. Slope, et je ne l'insulterai pas par une déclaration de ce genre. Il a cru avoir à m'écrire, et je n'ai pas besoin des avis de l'archidiacre relativement à cette lettre. Si je croyais qu'ils me fussent utiles, je les lui demanderais. Alors, Éléonore, il est de mon devoir de vous dire, et en parlant ainsi, elle avait pris un ton d'une solennité menaçante, que l'archidiacre juge cette correspondance inconvenante et ne peut l'autoriser sous son toit. Éléonore bondit et ses yeux lancèrent des éclats. « Vous pouvez dire à l'archidiacre que partout où je serai, je recevrai les lettres qu'il me plaira, de qui il me plaira, quant au terme d'inconvenant. Si l'archidiacre l'a employé en parlant de moi, je déclare que votre mari a manqué à ses devoirs d'homme et d'hôte. Quand papa sortira de la salle à manger, ajouta-t-elle en se dirigeant vers la porte, je vous serai obligé de lui demander de monter dans ma chambre. À lui, mais à lui seul, je montrerai la lettre de M. Slope. » Sur ces dernières paroles, elle sortit pour aller retrouver Johnny. Elle ne comprenait pas de quel crime on pouvait la charger. L'idée que ses propres amis pouvaient considérer M. Slope comme un prétendant ne s'était jamais fait jour dans son esprit. Elle les voyait tous animés de pensées et de préventions mesquines et injustes auxquelles elle ne voulait pas s'associer, si déplaisant que lui fût le personnage. Grande était l'irritation d'Éléonore quand elle s'assit sur une chaise basse, près de la fenêtre ouverte, au pied du berceau de son enfant. « Osez dire que j'ai commis une inconvenance !» répéta-t-elle à plusieurs reprises. « Comment papa peut-il souffrir l'arrogance de cet homme ? Je ne dînerai certainement pas une fois de plus dans sa maison, à moins qu'il ne demande pardon de son injure. » Elle eut à ce moment la pensée que M. Arabin aurait peut-être connaissance de cette correspondance inconvenante avec M. Slope, et elle rougit d'humiliation. Oh, si elle avait connu la vérité! S'il avait su que déjà M. Arabin avait été informé de son mariage avec M. Slope comme d'un fait assuré! Bientôt son père la rejoignit. Quand M. Harding eut quitté le salon, Mrs. Grantly conduisit son mari près d'une fenêtre et lui raconta sa défaite. « Je lui parlerai moi-même avant de me coucher, » dit l'archidiacre. « N'en faites rien, je vous prie, » dit-elle. « Vous ne réussirez qu'à amener un éclat. Vous ne savez pas combien elle est entêtée. » L'archidiacre déclara que cela lui était bien indifférent. Il savait quel était son devoir, et il le remplirait. M. Harding était d'une faiblesse déplorable. Il ne voulait pas que sa conscience le reprochât dans la suite de n'avoir rien fait pour prévenir un mariage déshonorant. En vain, Mrs. Grantly lui fit observer qu'en tenant à Éléonore un langage irrité, il ne ferait que hâter la crise et assurer une chose qui n'était encore que probable. L'archidiacre était opiniâtre, et il éprouvait autant de tristesse que de colère. Le fait qu'une femme de sa famille eût reçu une lettre de M. Slope avait blessé son orgueil à l'endroit sensible. Il fallait qu'il éclatât. M. Harding entra dans la chambre de sa fille avec un air fatigué et malheureux. Tant de soucis lui ont enlevé la force et le courage. Il sentait que s'il devait durer quelque temps encore, il y succomberait. Il frappa doucement à la porte d'Éléonore, attendit qu'elle l'eût invité à entrer, et se montra avec une contenance telle qu'il semblait que ce fût lui et non elle que l'on avait soupçonné d'une conduite criminelle. Bientôt, Éléonore eut passé son bras dans celui de son père, l'eut baisé au front et lui eut fait toutes sortes d'affectueuses caresses. « Oh, papa, » dit-elle, « j'ai tant besoin de causer avec vous. On a parlé de moi au salon ce soir, n'est-ce pas ?» M. Harding murmura qu'en effet, l'archidiacre avait parlé d'elle. « Je haïrai bientôt le docteur Grantly. « Oh, ma chérie !»« Oui, papa, je ne puis m'en empêcher. Il est si peu charitable, si peu bienveillant, si prompt à soupçonner quiconque ne s'incline pas devant lui. Il est odieusement arrogant et n'admet pas que l'on puisse penser autrement que lui. » C'est un homme ardent et sévère, ma chère, mais il n'est pas méchant. Il est méchant, papa, très méchant. Tenez, j'ai reçu cette lettre de M. Slope avant le dîner. C'est vous-même qui me l'avez donnée. Lisez-la, je vous prie. C'est pour vous qu'elle a été écrite. C'est à vous qu'elle aurait dû être adressée. Vous savez ce qu'ils en ont dit en bas. Vous savez comme ils m'ont traité à dîner. Et après le dîner, Susan est venue me faire un serment, à tel point que je n'ai pu rester avec elle. Lisez, papa, et dites-moi si cette lettre donne au Dr. Grantly le droit d'être si insultant. M. Harding retira le bras qu'il avait passé autour de la taille de sa fille et lut lentement la lettre. Elle s'attendait à voir la joie briller sur son visage quand il apprendrait combien le retour à l'hospice lui était rendu aisé. Mais elle devait éprouver le même désappointement qu'une fois déjà en semblable circonstance. Le premier sentiment de M. Harding fut celui d'un absolu dégoût en voyant que M. Slope prétendait lui donner son appui. Il avait désiré reprendre ses anciennes fonctions, mais il eût mille fois mieux aimé abandonner toute prétention à l'emploi que de le devoir à l'influence de M. Slope. Puis le ton général de la lettre lui déplut. Il le trouva mielleux, faux, malsain, comme le personnage lui-même. Il vit ce que n'avait pas vu Eleanor, que M. Slope voulait dire plus qu'il ne semblait dire. L'appel au pieux concours d'Eleanor, qu'il voyait ainsi séparé du sien, froissa ses sentiments de père. Et quand il arriva aux chers petits et aux tresses soyeuses, il replia lentement la lettre avec désespoir. Il était impossible que M. Slope employât un tel langage sans y avoir été encouragé. Il était impossible qu'Eleanor eût reçu une semblable lettre et l'eût reçue sans irritation, à moins qu'elle ne fût disposée à encourager l'auteur. C'est ainsi, du moins, que raisonna M. Harding. Combien il est difficile de juger avec certitude les sentiments d'autrui. M. Harding, en arrivant à la fin de la lettre, condamna dans son cœur Eleanor pour un manque de délicatesse qui le fit cruellement souffrir. Sans doute elle n'était pas responsable de ce que pouvait écrire M. Slope, mais elle n'en manifestait aucun dégoût. Il semblait même qu'elle approuva la lettre dans son ensemble. Elle la lui avait donnée à lire comme une justification de sa conduite. Le père fut désespéré en voyant qu'il ne pouvait la déclarer innocente. Et pourtant, c'était à sa délicatesse de femme et à son esprit de justice qu'elle devait cette condamnation. Elle pensait de cet homme, de cet amoureux dont elle n'avait pas conscience, exactement ce qu'en pensaient son père et les Grantly. Mais elle le croyait sincère et véritablement disposé à aider son père. Elle se fit un devoir, après ce qui s'était passé, de montrer la lettre à M. Harding. Elle jugea nécessaire que son père sût ce que M. Slope avait à dire. Mais elle ne crut pas nécessaire d'excuser, ni de condamner, ni même de relever la vulgarité du ton, conséquence, comme toujours, du manque d'usage et de l'ignorance du monde. Les commentaires de M. Slope sur ses agréments personnels lui soulevaient le cœur. Elle ne pensait pas qu'il lui fallût s'étendre avec son père sur un sujet aussi nauséabond. Elle était trop certaine que sur ce point il sentait comme elle. Il lui aurait été pénible d'insister là-dessus et aussi de récriminer contre un homme duquel elle désirait n'avoir à penser et à dire que du bien. Et lui, ce père si tendre mais si faible, ne voulait pas prononcer une parole qui eût fait le jour sur toute cette situation. Il y aurait eu un déluge de pleurs, et au bout de 10 minutes, toute la maison aurait su où en étaient les choses. Le père aurait été ravi, la sœur aurait embrassé sa sœur, et lui aurait demandé 1000 fois pardon. L'archidiacre se serait excusé, aurait déridé son front et serait allé au lit, heureux de cet éclaircissement. Et M. Arabin ? M. Arabin aurait rêvé d'Eleanor, et se serait réveillé le lendemain amoureux d'elle, et le soir suivant se serait couché avec des projets de mariage. Mais hélas, rien de tout cela ne devait se réaliser. M. Harding plia lentement la lettre et la rendit à Eleanor, baisa sa fille au front, lui souhaita une bonne nuit et se dirigea silencieusement vers sa chambre. Aussitôt qu'il fut sorti du corridor, on frappa une seconde fois à la porte d'Eleanor, et la femme de chambre de Mrs. Grantly, entrant sur la pointe du pied, pria Mrs. Ball de vouloir bien, si cela ne lui était pas désagréable, de se rendre dans le cabinet de l'archidiacre. L'archidiacre lui faisait ses compliments. Il ne la retiendrait que 2 minutes. Eleanor trouva que cela lui était très désagréable. Elle était fatiguée et profondément attristée. Ses sentiments à l'égard du docteur Grantly n'étaient rien moins qu'amicaux. Mais elle n'était pas peureuse. Elle promit d'être descendue dans 5 minutes. Elle arrangea ses cheveux, noua son bonnet et se mit en route. « Nous ne nierons pas que le cœur ne lui battît assez fort. »